Chapitre 21e. Il faut rappeler ici que tous les intéressants détails des affaires de cœur de Mrs. Barnaby étaient absolument inconnus d'Agnès, ainsi que de ses amis. Par le fait, l'affection posthume de Mrs. Peters pour son frère n'avait pu faire plus que d'endurer poliment les efforts de sa veuve pour entrer dans le cercle de la famille. Aller chercher Mrs. Barnaby, quand celle-ci semblait vouloir éviter sa belle-sœur, était au-dessus des forces de cette dernière. Aussi, se réjouissant du résultat sans remonter jusqu'à la cause, Mrs. Peters avait-elle abandonné notre veuve à la retraite de son salon sans jamais s'inquiéter de ce qui pouvait l'y retenir. De délicieuses promenades, des livres en quantité, de charmantes conversations remplies d'esprit et mille marques flatteuses de la part de tous ceux qui l'entouraient, formaient aux yeux d'Agnès un merveilleux contraste avec l'arrogance de sa tante, si personnelle, et même aussi avec les meilleures joies de la solitude de sa petite chambre. Mais cette petite période fut pour chacun une période d'erreur. Mrs. Peters était loin de soupçonner que la veuve de son frère était au bout de 7 mois, à la veille de se remarier avec un chevalier d'industrie sans un sou. Agnès était loin de s'imaginer à quel degré elle était tombée amoureuse du colonel Hubbard, pas plus que de l'intensité de la passion qu'elle avait inspirée à M. Stephenson. Le colonel Hubbard, en voyant constamment Agnès venir seule chez Mrs. Peters, commençait à penser que le lien qui unissait la jeune fille à Mrs. Barnaby n'était ni aussi solide, ni aussi nuisible qu'il l'avait supposé tout d'abord, et que, par conséquent, convaincu que Frédéric voudrait se choisir une femme lui-même et que personne au monde ne lui ferait plus d'honneur que Mademoiselle Willoughby, il n'avait qu'à laisser aller les choses. Il y avait bien encore en ceci quelques trompeuses illusions, autant en ce qui le regardait qu'en ce qui concernait les autres, mais il était dit que, comme tout le reste de la société, il devait rester enveloppé d'une atmosphère d'erreur et de malentendus. Le pauvre Stephenson, le plus fatalement trompé de tous, ne se doutait pas qu'il était arrivé à l'apogée de ses espérances et qu'il allait être bientôt précipité à 1000 toises de profondeur dans le tourbillon du désespoir. Enfin, tandis que les préparatifs pour la soirée musicale étaient en bonne voie, le sort malin s'asseyait à l'écart tout en souriant, probablement de tout ce qui allait se passer avant que la soirée ne fût consommée. Mrs. Peters, après une légère discussion avec sa famille, avoua qu'il était impossible de ne pas inviter Mrs. Barnaby, et la carte fut envoyée. Mais comme elle le dit elle-même, sa vertu fut récompensée, car elle reçut de la main d'Agnès une réponse qui, avec beaucoup de regrets, alléguait un engagement antérieur. Le matin du jour fixé pour cette soirée, Agnès resta au moins une bonne heure de plus que d'habitude dans sa petite chambre pour s'occuper de quelques préparatifs nécessaires à sa toilette du soir. Ce qui fit qu'elle partit pour Rodney Place 1 heure plus tard qu'à son ordinaire. Quand elle y arriva, elle trouva un billet où on lui disait de s'asseoir et d'attendre le retour de ces dames qui, ne l'ayant pas vu venir à son heure habituelle, étaient parties en voiture pour Bristol afin d'y faire diverses commissions importantes. En lisant ce billet, Agnès était montée au salon qu'elle avait trouvé sans tapis en vue de la musique du soir et ornée d'un grand piano placé au beau milieu. Maintenant, il faut dire que, malgré les constantes visites d'Agnès à Rodney Place et l'amour universel pour la musique qui régnait en cet endroit, on ne lui avait jamais demandé si elle jouait du piano, ni si elle chantait, et que le hasard ne l'avait jamais amenée à montrer qu'elle savait l'un et l'autre. Il y a certaines maisons, et de fort agréables même, où la musique est considérée comme une sorte de propriété, comme un droit appartenant exclusivement aux membres de la famille. La maison de Mrs. Peters était de celle-là. James, qui ainsi que nous l'avons vu, était le plus aimable garçon du monde, ne faisait du matin au soir, autant qu'il dépendait de lui, que travailler son violoncelle ou chanter des duos avec sa sœur Lucie. Mademoiselle Peters était la seule qui n'eut pas part à ce talent, ou plutôt à ce monopole, car Elizabeth jouait de la harpe et Lucie chantait en s'accompagnant au piano. Agnès se délectait à les entendre, et quoiqu'elle mourût d'envie de jouer elle-même, ou peut-être d'entendre encore une fois sa propre voix, elle n'avait jamais trouvé le courage d'en demander la permission. Aussi, quand, se trouvant absolument seule, elle vit devant elle cet instrument si tentant, accompagné d'une forte collection de morceaux de musique, elle se mit à l'ouvrir avec empressement. L'instrument céda sous la pression de sa main, et un moment après ses doigts couraient sur le clavier avec cette espèce d'extase propre au jeune enthousiaste qui, faute d'instrument, n'a pu exercer son art depuis longtemps. Agnès jouait du piano convenablement, avec beaucoup de goût, beaucoup de sentiment. Cependant, elle ne pouvait rivaliser en aucune manière avec Lucy Peters comme pianiste accompli. mais il y avait une branche de cette science charmante que l'on nomme la musique, l'art du chant, où elle excellait sans avoir à redouter aucune comparaison, car elle était douée d'une de ces voix qui sont rares partout. Quant à sa supériorité à cet égard, elle l'ignorait profondément, et si elle éprouvait un plaisir tout particulier à entendre les glorieuses notes qui sortaient de son gosier, cela tenait, elle le croyait sincèrement, au charme réel qu'on éprouve à s'entendre soi-même chanter. Agnès ressentait donc un vrai ravissement en écoutant les sons qu'elle donnait dans cette vaste pièce. L'absence de tapis, l'excellence de l'instrument, encore augmentée par sa position isolée au milieu de la chambre, étaient autant d'avantages dont elle n'avait jamais joui, et dans son extase, il y avait encore quelque chose d'enfantin. Comme une véritable alouette, à l'aide de cadences et de tris folâtres, elle laissait sa belle voix se développer sans contrainte, mesurant ce dont elle était capable avec autant de joie que de surprise. Mais une fois ce premier élan d'un juvénile entrain passé, revenant à plus de sagesse, elle se tourna vers les cahiers de musique qui étaient auprès d'elle, et hésitant un instant entre le désir de voir du nouveau et celui de parcourir les choses déjà connues qui l'avaient si souvent enchantée, elle prit ce dernier parti et s'arrêta un volume de Handel où M. Wilmot avait principalement puisé les sujets de ses études. Se mettant en devoir d'exécuter un des airs qu'elle aimait le mieux, la délicieuse mélodie, ange toujours brillant et beau, s'éleva bientôt dans toute sa gloire à travers la chambre vide. Ce fut ensuite « Seigneur, souviens-toi de David », puis, changeant de répertoire, la musique étincelante de Comus s'égrena dans l'atmosphère, qu'elle sembla égayée à mesure qu'Agnès roucoulait ses brillantes mélodies. On ne saurait s'étonner qu'au milieu de cette prodigalité de son, le marteau de la porte ou la sonnette d'entrée n'ait pu se faire entendre de la belle artiste. C'était précisément ce qui arriva, mais dans des circonstances telles que si Agnès avait pu se douter de ce qui se passait pendant qu'elle laissait aller ainsi sa voix, les notes si claires de son chant joyeux se seraient immédiatement changées en son inarticulé, comme il arrive à quelqu'un qui suffoque. Le colonel Hubbard, désirant se joindre à la famille Peters pour faire la promenade du matin, avait promis à son ami Frédéric, en le quittant après le déjeuner, d'aller le retrouver à Rodney Place, comme cela lui était arrivé souvent pendant le cours de la dernière semaine. Mais Frédéric était venu à Rodney Place de si bonne heure qu'il était arrivé juste pour mettre en voiture Mrs. Peters et ses filles qui allaient à Bristol et qu'il en était reparti désespéré d'avoir encore à attendre quelques heures avant de voir Agnès. Il était alors retourné chercher son ami Hubbard, mais ne l'ayant plus retrouvé, il s'était décidé à aller faire un tour de galop sur les dunes afin de charmer le temps jusqu'à 2 heures. C'était pendant cet intervalle que le colonel frappait à la porte de Mrs. Peters, au moment précis où l'heureuse virtuose, se sachant seule, donnait un plein essor à sa magnifique voix. Elle chantait un passage dont le colonel n'avait jusqu'alors jamais compris toute la puissance et toute la majesté. Il s'arrêta court au milieu de la phrase par laquelle, ne trouvant personne, il prenait congé. Le maître d'hôtel, qui lui ouvrait la porte, le connaissant comme un des hôtes les plus honorés de la maison, fit un pas en arrière dans le vestibule tout en souriant. Sorte d'invitation à entrer que le colonel se sentit fort disposé à accepter. Il fit donc quelques pas en avant et la porte se referma derrière lui. « Qui est-ce qui chante là, je vous prie ?» dit-il aussitôt que les accents eurent cessé. « Mais, monsieur, ce doit être Miss Willoughby. Je n'ai fait entrer personne d'autre depuis que ces dames sont sorties, » répliqua le domestique. « Mademoiselle Willoughby ?» répéta machinalement le colonel Hubbard. « Mademoiselle Willoughby, allons donc, c'est impossible. » « Monsieur, d'après le son, je crois bien que l'une des portes du salon a dû rester ouverte, » répliqua le serviteur. « Si vous voulez avoir la bonté de monter, vous pourrez entendre distinctement sans déranger mademoiselle. » Si le colonel avait un côté faible, c'était son amour sans borne pour la musique. Il avait dû, à cause de sa carrière, renoncer à la jouissance de pratiquer lui-même. Cela n'avait pas été sans un violent effort de volonté, mais l'amour de l'art était resté incrusté dans son cœur avec une puissance telle que rien n'aurait pu l'en déraciner. En somme, l'invitation du maître d'hôtel de Mrs. Peters était trop tentante pour pouvoir y résister. Approuvant d'un signe de tête, il se mit à gravir tout doucement les degrés et trouva, comme ce sagace personnage l'avait prévu, la porte du salon du fond toute grande ouverte. Le colonel Hubbard entra avec beaucoup de précaution, car la cloison repliante qui séparait les deux pièces était ouverte en partie. Mais il fut assez heureux pour se glisser inaperçu derrière un des larges battants, dont les grands panneaux élevés était disposé de façon à lui permettre de voir aussi bien que d'entendre l'inconsciente Agnès sans danger d'être découvert. Pauvre enfant! Si elle avait pu se douter d'une chose pareille, son agitation fut devenue une agonie. Et pourtant, quelle combinaison aurait jamais pu être aussi favorable au plus cher, au plus grand, au plus secret désir de son cœur? Au moment où elle sentait qu'on allait s'éloigner de lui, peut-être pour toujours, sa plus grande crainte était qu'il ne la trouvât ou trop jeune, ou trop légère, ou trop méprisable pour lui garder un souvenir. Quant à ceci, le danger semblait déjà être passé. Il n'y avait plus à espérer, plus qu'à redouter, que le colonel Hubbard oubliât jamais ce qu'il venait de voir et d'entendre. Une femme belle, qui possède un grand talent de cantatrice, gagnera toujours beaucoup à être vue et entendue à la dérobée, si on la voit sans qu'elle s'en doute. Mais pour Agnès, l'avantage était immense, car jamais auparavant, le colonel n'avait pu voir sa charmante physionomie embellie des reflets de sa brillante intelligence, ni illuminée de l'enthousiasme qu'elle ne contraignait plus. Et d'ailleurs, aurait-il pu s'imaginer qu'elle chantât? Elle était ravissante, radieuse, inspirée. Et le colonel était un beau chemin d'oublier tout à la fois et la passion de son ami pour elle et la parenté de Mrs. Barnaby et les 20 ans qu'il avait de plus qu'elle. Lorsque le coup de marteau autoritaire du valet de pied des dames de la maison retentit. Un moment après, les voix des dames Peter s'élevant dans l'escalier le rappelaient forcément aux réalités de sa position. Il comprit alors, pour la première fois, qu'il devait cette position à des moyens absolument injustifiables, que des excuses étaient tout à fait nécessaires et qu'il fallait les faire tout de suite. Il traversa donc, avec moins de précautions qu'il n'en avait mis à la franchir, la porte encore ouverte, et rencontrant Mrs. Peters précisément au moment où elle atteignait le palier, il lui dit, d'une voix un peu moins ferme peut-être que d'ordinaire, « Me pardonnerez-vous, Mrs. Peters, et serez-vous assez bonne pour plaider ma cause auprès d'une autre personne quand je vous aurai avoué que je me suis faufilé jusqu'ici et que depuis une demi-heure au moins je me tiens caché dans votre salon du fond tout exprès pour entendre Mademoiselle Willoughby chanter. Elle ignore absolument elle-même ce délit, et si vous parlez de ma faute devant elle, j'espère que vous voudrez bien me recommander à sa merci. » Mademoiselle Willoughby chanter ? S'écria Mrs. Peters. Sûrement vous vous êtes trompé, colonel Hubbard. Agnès n'a jamais chanté de sa vie. Agnès chanter ? Oh non ! S'écria Lucie. Voilà qui est absolument impossible, je vous l'affirme. Et qu'en dit la jeune personne elle-même ? Reprit le colonel Hubbard en voyant Agnès qui s'avançait à la rencontre de ses amis. Mais la jeune personne fut accueillie par un cœur de questions si bruyant qu'avant un bon moment, il lui fut impossible de rien comprendre de ce qui s'était passé. Aux questions réitérées, avez-vous réellement chanté, Agnès ? Est-il vrai que vous chantiez ? Comment est-il possible que nous ne l'ayons jamais encore découvert ? Et ainsi de suite, elle répondit assez tranquillement. « Je chante un peu, et j'ai essayé de m'amuser en vous attendant. » Mais quand Mrs. Peters ajouta en riant, « Et savez-vous, ma chère, que du salon du fond, le colonel Hubbard vous a écouté tout le temps ?» Tout son calme apparent s'évanouit. Elle devint d'abord écarlate, puis d'une pâleur mortelle et totalement incapable de dire une parole, elle se laissa tomber sur le siège le plus proche, ne se rendant pas un compte bien exact de ce qui lui arrivait. Le colonel Hubbard l'épiait d'un œil qui semblait vouloir entrer dans ce cœur, dont cette émotion involontaire trahissait le secret. Mais on aurait dit qu'il subissait lui-même la contagion de ce qui se passait sous ses yeux, car il perdait sa présence d'esprit, lui aussi. Fort troublé, il s'était approché d'elle en disant avec une voix tremblante d'émotion « Vous aurais-je offensé ? Pardonnez-moi, pardonnez-moi » Il y avait tout un monde d'éloquence dans le regard qu'il reçut comme réponse. Innocent, candide, inconscient, il souleva un véritable tumulte dans le sein du noble soldat. Et il lui fallut passer par plus d'un jour de terrible lutte avant d'être entré en possession de lui-même. Mais personne n'en vit rien, personne ne le devina, et la bande tout entière de ces bonnes dames demeura convaincue que Frederick Stephenson et Agnès Willoughby étaient nés l'un pour l'autre. Voici comment elles expliquèrent la vive émotion dont elles avaient été témoins. Peut-on voir une créature aussi timide ? Que vous êtes donc folle, Agnès, de vous intimider ainsi ? Voyons, ma chère enfant, surmontez cette terreur insensée, et s'il est vrai que vous sachiez chanter, donnez-nous le plaisir de vous entendre. Très bien, maman, dit Lucie en riant, faites-lui chanter quelque chose avant que nous ne descendions goûter. Il n'est pas bon que le colonel soit seul dans le secret. Chantez-nous quelque chose tout de suite, dit Mrs. Peters en s'asseyant sur le sofa. Voyons, soyez une bonne fille. Vrai, vrai, madame, je ne puis pas chanter, répondit Agnès en joignant les mains comme si elle demandait qu'on lui laissât la vie. « Sur ma parole, dit Marie, ceci est un joli mystère. Le gentleman déclare qu'il l'a entendu chanter pendant une demi-heure, et la jeune fille proteste qu'elle n'a jamais chanté. Permettez-moi, maman, d'examiner les parties face à face. » « Colonel Hubbard, si je vous ai bien compris, vous avez positivement affirmé avoir entendu Mademoiselle Willoughby chanter. Voulez-vous me permettre de vous demander de quelle manière elle a chanté ?»« Mademoiselle Peters, répondit le colonel, s'efforçant de retrouver son sang-froid, elle a chanté d'une manière que j'ai rarement ou plutôt que je n'ai jamais entendu égaler dans aucun pays. Elle chante admirablement bien. »« Bon, très bien, dit Mary. Voici une réponse parfaitement claire et décisive. Maintenant, Mademoiselle Willoughby, voulez-vous me permettre une question ? Si je ne me trompe, vous avez dit, il y a environ 5 minutes, que vous n'aviez aucun talent pour le chant. » « Non, pas en ce moment, Mary, certainement, dit Agnès, qui se remettait et était fort soulagée de voir que personne n'avait ni compris ni remarqué l'écrasante émotion sous laquelle elle s'était presque évanouie. « Alors promettez-nous, dit Lucie avec la petite pointe d'une rivalité naissante, promettez-nous de chanter ici ce soir. » « Vous ne voulez pas dire à votre concert, je pense, Lucie, répliqua Agnès en riant. « Et pourquoi pas ? Le colonel Hubbard déclare que vous chantez admirablement. » « Le colonel Hubbard est bien bon, » répondit Agnès, tandis que la délicate fraîcheur de son teint se colorait un peu plus que d'habitude. « Mais il est probable qu'il changerait d'opinion s'il m'entendait chanter devant une nombreuse société. » « J'ai trop faim pour débattre la chose maintenant, Agnès, » dit Mrs. Peters. « Descendons goûter. Mais rappelez-vous, ma chère, que si vous pouvez chanter, ne serait-ce que quelques bagatelles, je trouverais très vilain à vous de me refuser, car je le regrette de vous dire que nous avons de terribles vides parmi nos exécutants. J'ai trouvé 3 excuses venues pendant mon absence, et je viens de rencontrer Miss Roberts, notre prima donna après Lucie, qui est tellement enrouée qu'elle doute de pouvoir faire une note. » Ceci fut dit pendant que la compagnie descendait l'escalier, ce qui épargna Agnès l'obligation de répondre. Elle s'en réjouit grandement, car acquiescer ou refuser lui semblait aussi impossible l'un que l'autre. Le colonel n'alla pas plus loin que la porte de la salle à manger. Il souhaita le bonjour à toute la société et persista à se retirer, quoique Mrs. Peters le prît avec instance de se joindre à sa famille pour le repas. Mais son esprit n'y était pas. Il avait besoin d'être seul, il avait besoin de s'interroger dans la solitude et, s'il était possible, de comprendre ses propres sentiments. Après un court regard donné à Agnès, il partit, glissant une couronne dans la main du maître d'hôtel qui lui avait ouvert la porte et se dirigea vers les dunes de Durham, où il arriva qu'il prit exactement le même sentier que celui où il avait rencontré Agnès 15 jours auparavant. Aussitôt qu'il fut parti, Agnès fut assaillie par une nouvelle explosion de criailleries au sujet du mystère qu'elle leur avait fait pendant si longtemps de son talent de chanteuse. « Je ne puis vous pardonner de ne m'en avoir pas au moins dit un mot, » dit Mary. « Et qu'avait-il à dire, ma bien chère Mary ? Vous qui êtes habituée à des talents comme ceux d'Elisabeth et de Lucie, vous auriez eu beau jeu à vous moquer de moi si j'avais cherché à vous charmer à leur place. Je ne sais vraiment pas comment ce que dit le colonel Hubbard de votre chant peut être vrai, » dit Lucie. « Croyez-vous que vous chantiez aussi bien que moi ?»« Voilà une question à laquelle il est bien difficile de répondre, Lucie, » répliqua Agnès avec l'innocence la plus ingénue. « Je pourrais peut-être y arriver un de ces jours, pourvu que l'on me donnât d'aussi bons professeurs qu'à vous. »« À la bonne heure, ma chère, c'est avouer quelque chose du moins, » dit Lucie en rougissant légèrement. « Je vous assure que je serais fort heureuse de chanter un duo avec vous. Seulement, je suppose qu'on ne vous a pas appris à faire une seconde partie ?»« Aussi, je crois que je pourrais faire une seconde partie. » répondit Agnès avec une grande simplicité. « Mais je n'ai jamais été habitué, parce que dans tous nos duos, c'était Miss Wilmot qui faisait les dessous. »« Qui est Miss Wilmot, ma chère ?» dit Mrs. Peters. « La fille de l'ecclésiastique chez lequel Agnès a été élevée, maman, » dit Mary. « Voici M. Stephenson !» s'écria gaiement Mrs. Peters. « Allons, Agnès. Il faut absolument que vous nous fassiez entendre ce que vous savez faire. Je serais ravi d'avoir l'avis de M. Stephenson. » car il a parlé plusieurs fois devant moi avec délice de la manière dont sa sœur, Lady Stephenson, chantait. Alors je vous assure que c'est une raison de plus pour ne jamais lui faire entendre ma voix, dit Agnès, qui commençait à se sentir mal à l'aise et soupirait aussi ardemment après la solitude de sa petite chambre que le colonel Hubbard avait soupiré après la liberté dont il jouissait sur les dunes. Mais les amis qui l'entouraient avaient eu bien trop de bonté pour elle et lui étaient bien trop chers pour qu'elle ne se sacrifiât pas à leurs désirs. Et jusqu'à l'entrée de Frédéric, ils se réunirent tous pour la supplier de leur chanter quelque chose, humble et obéissante, elle les suivit au piano. Elle ne chanta pas, certainement alors, comme elle l'avait fait une heure auparavant. La ferveur, l'enthousiasme n'y étaient plus. Cependant, malgré cela, l'étonnement et le ravissement de ses auditeurs furent sans bornes. Ses amis, oubliant qu'elle ne l'avait jamais invitée à exécuter quelque chose devant elle, mélangeaient les reproches à leurs louanges, comme s'ils voyaient une injure positive dans ce long espace de temps où elle leur avait caché son talent. Mais dans les ravissements de Frédéric, il n'y avait aucun reproche. Il semblait transporté dans une extase d'admiration et d'amour dont le degré d'intensité était facilement apprécié par ceux qui l'entendaient s'exprimer, à l'exception d'Agnès, toutefois. Il y a plus de chances qu'un discours plein de malice prononcé dans l'oreille d'un sot soit compris qu'il n'y en a qu'une rhapsodie passionnée le soit d'une oreille indifférente. Notre Agnès était loin de manquer d'intelligence, et cependant, l'incapacité qu'elle montrait à comprendre 19 fois sur 20 le sens réel des conversations de Frédéric était remarquable. Il est bien probable que s'il avait été seulement indifférente, les efforts du jeune homme pour se rendre intelligible n'eussent pas rencontré une résistance aussi victorieuse. Pour qu'il en fût ainsi, il fallait que le cœur et l'esprit fussent déjà occupés. Mais quelle que fût la cause de cette indifférence, il était bien certain qu'elle existait, et à un tel degré qu'elle rendait extrêmement fatigante l'exposition forcée du talent de la jeune fille et toutes les louanges enthousiastes qui en étaient la suite. La meilleure preuve, c'est que ce fut elle-même qui mit un terme en disant « Si vous désirez réellement que je chante quelque chose ce soir, ma chère Mrs. Peters, permettez que je me retire maintenant. Autrement, je craindrais d'être trop enrouée pour pouvoir rien faire. » Ce petit stratagème réussit parfaitement et lui procura immédiatement la solitude après laquelle elle soupirait. « Voudrez-vous bien vraiment chanter ce soir, petite ?» dit Mrs. Peters en tapotant avec délice les petites mains d'Agnès. « Je crois que... » Cette Mrs. Armstrong a été mon cauchemar pendant toutes ces dernières quinzaines. « Mais je crois, Mary, que nous avons là une nouveauté qui nous épargnera l'humiliation des faibles éloges que veut bien nous accorder ordinairement sa seigneurie de connaisseuse. »« Moi aussi, maman, » répliqua Mary, qui était ravie au-delà de toute expression par la découverte inattendue, chez sa favorite, d'un talent inconnu jusqu'ici. « Mais Agnès a raison. Il ne faut plus qu'elle chante à présent. »« Vous ne vous êtes pas promenée aujourd'hui, dites Agnès ?» ajouta-t-elle affectueusement. « Si vous voulez... « Je vais remettre mon chapeau et aller faire un tour avec vous. » Agnès rougit en répondant, « Non, je n'ai pas le temps d'aller me promener aujourd'hui, il faut que je rentre tout de suite. » Combien elle eût aimé aller faire ce tour de promenade, si au lieu de le faire seule avec ses pensées, elle eût pu y être en tête à tête avec l'objet de sa préoccupation. « Nous vous reconduirons chez vous, du moins, » répondit son amie, et les deux filles aînées, ainsi que M. Stephenson, l'accompagnèrent à Sion Row. « Ingrate, Agnès !» Ce fut de joie que son cœur bondit quand elle vit ses bonnes amies s'en aller, et lui, surtout, lui qui aurait donné son sang pour elle avec bonheur, tout cela pour pouvoir songer dans le silence et dans la solitude aux instants qu'elle avait passés avec Herbert, instants qui, pour elle, valaient des années entières vécues sans lui. Combien sa petite chambre lui était chère et précieuse. Il n'y avait rien là qui eût jamais attiré sa tante. Donc sa retraite était sûre, et jamais elle n'en avait joui aussi profondément. Cette fois, ce n'était ni Pétrarque, ni Shakespeare, ni Spencer qui l'enchaînait ainsi à sa chaise solitaire, lui ôtant toute conscience de l'étroitesse des murs qui l'entouraient. Elle se perdait dans un monde de pensées si nouvelles, si étranges. Des possibilités, des conjectures, des espérances, comme il ne lui était encore jamais venu en tête, envahissaient son cœur en même temps qu'un singulier mélange de souvenirs et de sensations. Elle revivait par la pensée chacun des instants où le colonel Hubbard s'était trouvé en sa présence, et surtout chacun de ceux, émotion bien plus poignante, où sans qu'elle s'en doutât, il était si près d'elle. Avec quelle anxiété elle cherchait à se rappeler dans quelle attitude elle était, dans quel désordre était sa chevelure, les élans d'une joie qu'elle ne comprimait en rien, et chacun des morceaux qu'elle avait essayés repassait devant elle. Elle se représentait ses minauderies, ses roulades, sa manière enfantine de tenter les effets qu'elle voulait produire. Tout s'élevait contre elle, et le rouge lui montait au front si fort qu'elle en souffrait. Pourtant, au milieu de tout cela, il se mêlait un certain sentiment de sa propre valeur, car elle s'avouait ne pas être fâchée qu'il l'eût entendu chanter. Puis, le souvenir brûlant des courts instants passés après la découverte revenait la troubler. Le regard qu'elle avait senti fixé sur elle, la voix qui tremblait en demandant pardon, sa rougeur à lui, son agitation, oui, l'agitation de l'imposant Hubbard. quand il s'était approché d'elle, quand il s'était tenu près d'elle. C'était bien vrai, elle en était bien sûre, elle l'avait vu, elle l'avait senti, que le cœur humain est singulièrement construit. La même jeune fille assez bornée pour ne pas arriver à comprendre l'adoration si évidente de Frederick Stephenson était à cette heure transportée d'un bonheur qui allait jusqu'au délire, parce qu'elle avait cru lire dans l'expression involontaire de la physionomie du colonel Hubbard quelque chose que probablement aucun autre œil humain n'aurait pu découvrir.